Bonjour, attrapez un filet à papillon et allez récupérer vos neurones qui viennent de s'échapper. Oui, puis les dents au passage aussi. Ah, vous êtes toujours à l'écoute d'Hellbanger, il est 22h30. On vient de s'écouter un excellent titre de Wanderer qui a bénéficié d'un petit focus, d'un petit spotlight dans la semaine, rédigé par tes soins. Ouais, belle sortie. Bon, j'ai pas, voilà, faut faire des choix des fois, j'ai pas pu en faire un focus, mais ça aurait presque mérité. Ça aurait même carrément mérité. Ouais, du hardcore, hardcore grind, sludgy, enfin tout ce qu'il faut pour qu'il y ait de la crasse et des dents à ramasser à la fin du concert, quoi. Ouais, puis il y a tout qui les sert bien, quoi. Les compos sont putain d'inspirés, le son il est ultra massif, ça dure une vingtaine de minutes et il y a zéro répit, quoi. Ouais, puis j'avais jeté une oreille aux EP, les EP ils sont cool aussi, donc un groupe à suivre attentivement. Exactement. On va attaquer l'aspect hexagonal et tout simplement en toute sobriété, en ouverture de cet aspect hexagonal, puisque tu es au micro, on va passer au deuxième focus. Ouais, bah deuxième focus du coup sur un groupe que, bon, moi tu le sais, petit péché mignon du côté du heavy français, donc c'est vrai que là je me suis laissé tenter. On va partir sur des jeux de mots un peu nuls. Tentation, premier album, Le Berceau des Dieux. Je mets un 8 sur 10. Voilà. Un groupe qui nous vient de Toreil en Occitanie. Donc une sortie Gates of Hell. Alors, ça va être un label un petit peu à surveiller en ce moment, parce que là, signature Herzel meurtrière dans les dernières sorties qu'on a eues chez eux. Ça commence à causer méchamment. Voilà, je me suis laissé tenter par le groupe Tyr, qui est un groupe italien qui est dans la même vibe, mais en italien. Ça vaut clairement le détour aussi. Bon, on manque un peu les textes, mais bref, ça vaut le coup. Tentation, donc un premier EP en 2015. Alors clairement, que je vais dire un petit peu anecdotique et qui n'était pas encore très solide, et je reviendrai un petit peu dessus plus tard. Mais bon, c'est pas, voilà, c'était pas un EP qui présageait quelque chose d'aussi qualitatif pour le premier album. Et clairement, on se fait surprendre par cet album. La pochette est plutôt sympa, ça, voilà, ça l'est bien dessiné, on a ce côté un peu blasphématoire dessus qui est vachement cool, ça colle avec le nom du groupe. Hein. C'est ça, c'est pas too much comme d'inspiration Manowar, Eternal Champions, etc. C'est suffisamment provocateur tout en étant hyper soigné. Donc non, effectivement, un artwork bien classieux et qui rend bien hommage, enfin qui soutient bien la musique que renferme ce CD. Voilà, tout à fait. Et puis alors, côté contenu de l'album, c'est du heavy français dans la droite lignée des vétérans du genre et autres, pour ne pas citer Sortilège, mais on va les citer quand même. En tout cas, de leurs premiers albums, on va retrouver, comme tu disais tout à l'heure, un petit peu en off, du King Diamond dedans, il y a un petit peu de toutes les influences du heavy metal de manière générale, mais on est vraiment sur quelque chose de qualité et surtout une belle progression depuis leur premier EP. Et puis voilà, on retrouve tout ce qui fait le charme de ce style, les refrains ultra accrocheurs, les solos à rallonge, des textes très légèrement kitsch, tout juste comme il faut. Ouais, c'est ça en fait, on navigue entre le « oh putain » et le « c'est mortel ». Ouais, voilà, c'est... tu dis ouais, c'est du déjà entendu, et puis au final tu dis ouais, mais c'est tout ce qu'on attend en fait. Ouais, il y a vraiment tout dedans. C'est peut-être effectivement pas forcément. Alors je ferai pas l'affront de dire que c'est pas inspiré, parce qu'il y a tout un thème autour de cet album, donc c'est assez personnel. Mais c'est tellement bien exécuté et tellement bien placé que ouais, ça le fait carrément. Ouais, après l'ensemble, tu vois, ça reste assez simple dans l'approche, ultra efficace et entraînant, quoi. T'es dedans du début à la fin. C'est ça, parce que c'est un album qui raconte une histoire du premier au dernier, à l'avant-dernier morceau, je dirais, parce que le dernier titre est complètement en décalage avec le reste de l'album. Et c'est vrai qu'on prend une espèce de grosse pierre dans la gueule. Et ouais, une belle pierre de heavy metal français, comme tu l'as dit, chanté en français. Tout à fait. Et puis, qui se conclut par un morceau. Made in 2021. Je peux le dire. Alors on se faisait la réflexion en antenne, on se dit putain, mais qui en 2021 dans le heavy français ose clôturer un album, alors, ou même juste faire un titre qui s'appelle heavy metal chanté en français. Et Tentation l'a fait, et putain, il est juste trop cool ce morceau. Alors il a rien à voir avec le reste de l'album au niveau de l'ambiance textuelle, et enfin j'ai vraiment hâte d'avoir l'occasion de voir Tentation sur scène et ouais. J'espère qu'ils jouent ce titre parce que enfin c'est ultra enfin de mon point de vue c'est une grosse prise de risque parce que enfin à tout moment on peut basculer dans le ridicule, c'est même plus kiff, ce serait juste ridicule et en fait non, enfin il est enfin ce titre de clôture, il est génial. Ah ouais, c'est et rien à voir avec le reste de l'album mais voilà, il a parfaitement sa place en clôture d'album, donc voilà, il dégouline un petit peu le Judas Priest. Ce que je te disais en off également, cette espèce de hurlement qui vient de cette voix éraillée qui vient de loin, et puis tu dis ouais ok, puis je dis ouais c'est le chanteur d'Exécuteur quoi, donc on reconnaît Jay Deflagrator qui vient juste pousser un hurlement pour entamer ce morceau. Enfin c'est voilà, alors Tentation, bon on vient nous faire une aparté sur le dernier titre mais en fait c'est l'ensemble de l'album qui est juste excellent et voilà qu'on met dans le même sac que comme tu l'as pu le dire les Herzl et autres compagnies, ouais, voilà. Sacrificer, tout ça de cette très très bonne scène de revival heavy français. Voilà, bon allez on va mettre un petit bémol parce que faut quand même mettre un petit peu critique sur le truc, le chant il est nettement amélioré par rapport au premier EP, mais il mériterait un petit peu encore un petit peu de travail, un petit peu de tenue sur la longueur. Par exemple, il y a quelques cris où on sent que ça s'essouffle un peu et ça demanderait à partir encore plus haut au niveau de la puissance. Un peu plus de lâcher vocale. Peut-être, ouais. Voilà, mais sinon, il y a rien à dire sur l'album, il est super chouette et tu le réécoutes plusieurs fois sans aucun problème, quoi. Eh ben, on va faire tout de suite une illustration de ce qu'on vient de se dire avec le titre La Chute des Titans, extrait du premier album de Tentation. C'est parti. Fuck! Voilà, on vient de s'écouter un extrait du juste très très très très bon premier effort studio de Tentation, ce qui nous permet d'entrer en grande pompe ou à grand coup de pompe dans l'aspect française avec la première doublette. Godfather tout d'abord, groupe de stoner qui nous vient de la région lyonnaise. Le groupe sort là son second album studio, très sobrement dans le style, intitulé Monster Truck. Godfather, l'album est déjà disponible, et dans la foulée on va s'écouter le groupe nordiste Sorcière, groupe de Pagan Black qui sort son premier effort studio Empoisonné. Convoi le titre de Godfather, dans la foulée Sorcière avec le titre Dans ses eaux. C'est parti. Bye. this ain't over yet. It is for me. La suite dans l'aspect française, et bien un autre groupe que l'on va s'écouter tout seul, le black metal bien haineux, initialement francilien, et puis ça s'est un petit peu expat sur l'est de la France, Vortex of End, 4e effort studio Aberrant Fervor. On est sur du black bien bien brutal, bien haineux, avec une pochette d'album complètement mystico-cosmique. Vortex of End, voilà, l'album est déjà dispo chez Osmose Productions. C'est vrai qu'on en a pas beaucoup à vous proposer des sorties Osmose. Bon, généralement on est aveuglément sur de la qualité. Il se murmure dans les studios qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu plus longuement dans les semaines à venir de ces nouvelles effortures de Vortex of End. On va donc se prendre juste le temps d'un titre pour découvrir ce nouvel album Sovereign Wrath. On va se l'écouter tout seul parce qu'il fait un petit peu plus de 6 minutes. C'est parti, Vortex of End, toujours dans Hellbanger. On va clôturer l'aspect française avec une dernière doublette. Nous avons tout simplement deux nouveautés. Tout d'abord, Meur, donc titre, nom en français. Un one man band d'un gars qu'on connaît bien par chez nous, puisqu'il s'agit de notre Blickman national, notamment membre de Ostium, membre de Ekat, et également derrière le projet Ain, qui nous est du black unorthodox black metal. Et là il s'est tout simplement éclaté à sortir un EP ultra qualitatif de Power Violence Grindcore un peu noisy. C'est ultra cool, ça fait 8 minutes, il y a 8 titres, ça colle au sol comme il faut, c'est juste très très bon. Bon, c'est lui qui fait les lignes de chant, donc il y a beaucoup de retouches, de filtres qui sont passés dessus, mais voilà, c'est ce qui permet de donner ce côté noise. C'est vraiment super cool, ce premier EP qui s'intitule Rapture. D'ailleurs, une sortie physique est prévue d'ici peu chez Inhuman Homicide Records ou chez Krakra, je sais plus, un des deux, c'est à peu près la même entité. Et en doublette avec Meur, donc on s'écoutera deux titres, parce que les titres sont vachement courts, on va s'écouter Iron Lizard. Ils sortent leur nouvel album studio Hungry for Action. Là, on est sur du pur heavy and roll, c'est du speed and roll, du motorhead bien dynamisé, enfin voilà, c'est ultra catchy, c'est français en fait, et c'est vachement cool. Meur, on va s'écouter le titre First Experiment, enchaîné à True Pain, et dans la foulée Iron Lizard, It's About Time. C'est parti. We'll be right back. Voilà, vulgairement, Iron Lizard, ça fait le rock. 22h35 à la pendule de Radio Béton, on a donc attaqué la dernière demi-heure pour l'émission de ce soir, dernière demi-heure que l'on va enrichir, voilà, avec le dernier focus pour l'émission d'aujourd'hui. Ouais, troisième focus du coup pour ce soir, et un autre de mes péchés mignons, parce qu'on part du côté de l'Islande pour aller massacrer les noms des albums et des groupes, et aller chercher du côté du black metal qui se fait là-bas. Bah quelle surprise, ils font du black metal en Islande. Ouais. Ils sont combien, 10? Et ils ont combien, 14 groupes? À peu près. D'accord. Peu de choses près. On y arrivera. Manvira, premier album qui nous sort, qui s'intitule Vitaringur. Un album qui a été précédé d'un EP qui était plutôt solide déjà, mais qui là est clairement une confirmation de ce qu'ils avaient proposé dans le premier EP, et une sortie Dark Descent Records de nouveau. À noter que donc les membres du groupe sont étonnamment dans d'autres groupes de la scène islandaise, notamment on a le chanteur du groupe Orlingur, qui est également chanteur dans le groupe Nadra et qui a été guitariste dans le groupe Zero, le groupe de Death Doom, de Black Doom, qui est vraiment excellent également. Et ils font aussi du black, d'accord. Ouais, ils font du black et du Black Doom. Putain d'Islandais, c'est génial. Ouais, bah, bon voilà, on est sur quelque chose d'ultra classique par rapport à la scène islandaise, mais de terriblement bien fait, parce que bah, forcément on sent le spectre, l'immonde spectre de Deathspell Omega planer par-dessus la scène islandaise depuis quoi, ça fait une petite dizaine d'années. C'est maintenant. Exactement ce que je veux dire, ça va faire 10 ans, l'Islande a vraiment fait émerger sa scène particulièrement black metal, avec énormément de formations qualitatives. Bon, effectivement, comme tu disais, on retrouve beaucoup de fois les mêmes icos. Mais ouais, ils se sont fait une empreinte en ces 10 dernières années, vraiment de manière très impressionnante. Ouais, et puis je te dis, il y a vraiment ce côté ultra avant-garde, alors qui peut même plus être qualifié maintenant d'avant-garde, parce que ça y était à l'époque, mais ça ne l'est plus. Mais ils ont été piochés, ouais, particulièrement, je trouve, dans le black français et dans ce qui était l'avant-garde du black français. Ils font du revival avant-gardiste. Exactement. Et donc, bah, niveau contenu, cet album, bah, on retrouve tout ce qui fait le sel du style, oppressant, sifflant, rampant, t'as le truc qui t'oppresse. C'est viscéral. Ah ouais, c'est vraiment, l'album, il t'oppresse vraiment du début à la fin. Enfin, t'es pas bien, ça dure 35 minutes, et t'es 35 minutes les tripes retournées. Sans avoir un son totalement raw, mais t'as toujours quelque chose qui est cradingue et dissonant, tu vois. C'est... Puis on a un chant qui est trippé, quoi. Le mec, il a les viscères à l'air, il est en train d'hurler. Enfin, vraiment, ça prend au cœur. Moi, c'est vraiment ma scène, c'est le style que j'aime. Et ouais, là, j'ai pris une belle découverte avec ce groupe. À noter, bah, le petit bémol. Moi, je trouve que la batterie sur l'album est trop présente. Elle te fracasse le crâne. Et des fois, elle mériterait d'être un petit peu plus discrète pour laisser de la place au reste. Et puis là, voilà, la pochette qui est sans plus. J'ai pas trouvé mon compte dans le style de la pochette. J'étais en train d'essayer de chercher quelque chose dans la pochette, mais c'est pareil, ça m'a pas pour plus éloquent que ça le visuel. Ouais, voilà. Mais après, à côté de ça, ouais, c'est un solide premier album qui confirme ce qui avait été fait sur l'EP. Et puis voilà, c'est un vraiment sympa à écouter. Manvira, donc, on va s'écouter le titre de l'album. Pourquoi ce choix? Parce que c'est le seul qui est pas trop long? Non, non, même pas en plus. Non, parce qu'il fait plus de 8 minutes et bah, voilà, c'est rampant, glaçant comme peuvent être le contenu de l'album et l'ensemble de cette scène black metal islandaise. Et puis bah voilà, c'est parfaitement en adéquation avec le thème de l'album, l'ambiance qu'il y a dans l'album. On a tous, c'est représentatif, quoi, tout simplement. Allez, Manvira, c'est parti, troisième et dernier focus de l'émission d'aujourd'hui. We'll be right back. On s'approche de la fin de l'émission, parce qu'on vient d'attaquer le dernier quart d'heure. On va s'écouter une doublette de violence. Full of Hell, tout d'abord, le très bon groupe de Power Valence Grindeth, qui sort son nouvel effort studio Garden of Burning Apparition. Titre très rapide, très court, hein. C'est une avant-première prévue chez Relapse Record le 1er octobre. Et dans la foulée, nos tchèques presque préférés de Spasm, qui sortent, comme on l'a présenté il y a quelques semaines, un très très bon nouvel album studio, Mystery of Obsession. On s'écouterait une doublette Hymn to Emerades, Harvest of Cox. Et je tenais à dédier Hymns to Emerade à mon ami Thibaut. Bisous. Voilà, vous êtes bien toujours à l'écoute d'Hellbanger sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6, une émission qui s'est pas exactement passée comme prévu, parce qu'on l'a commencé une heure plus tard que ce qu'on escomptait, et du coup on l'a fini 30 minutes plus tard, mais avec somme toute une demi-heure d'émission en moins. Enfin bref, vous m'avez compris. Émission que l'on va clôturer avec un titre du dernier album de Tyrfing, le groupe de Viking Black venu de Suède. Vanagandr, c'est le nom de ce nouvel effort studio. Il est déjà disponible. On va se quitter donc avec le morceau Jordafar. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous, très bonne semaine, et on se retrouve dimanche prochain pour une émission en différé. Et puis bah, prochaine émission en direct, ce sera mi-octobre. De toute façon, restez sur les réseaux, on vous annoncera ça dans les semaines à venir. Merci, ciao ciao.